Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. Voilà, Belgium Without Talent. Donc, c'était magnifique, c'était beau, c'était grand. C'était hier soir, on a eu droit à cette grande émission, comme je le disais, sur RTL TVI. Belgium sans talent. Alors, une émission où il n'y a pas beaucoup de talent, mais où on apprend pas mal de choses. La Marseillaise d'Edith Piaf, on appelle là. Voilà, la Marseillaise d'Edith Piaf. C'est donc Edith Piaf qui a chanté la Marseillaise. Hein. C'est con, moi je croyais que c'était Gainsbourg. Ah oui, c'est bizarre. Bon, on a aussi appris que nos amis de Bell RTL connaissaient bien Facebook et Twitter. Ce sera l'occasion, bien sûr, d'envoyer vos tweets sur Facebook. Et voilà, donc envoyez vos tweets sur Facebook, je pense que là on est bien là. Hein. Voilà, bon, c'est pour ça en fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de messages hier soir. Hein. Oui, à mon avis. Bah oui. Ils n'ont pas trop compris ce qu'il fallait faire. C'est ça, c'est ça. Oh là là là là. Bon, on envoie donc des tweets sur Facebook. Essayez pour voir, je suis pas sûr que ça marche, mais enfin bon, on va essayer quoi. Bon, bref, hein, ils sont très forts sur RTL. Un peu vieux peut-être. Ah, ça doit être ça. Peut-être ça le problème. Maintenant, on va faire un petit jeu. Tiens, écoutez bien la présentation de Chiri. Je m'appelle Chiri, j'ai 22 ans, je vis à la région de Liège. J'ai toujours fait de l'équitation. Je ne pense pas que c'est la chose que j'aurais fait naturellement si mes parents ne m'auraient pas mis dans ce milieu. Je suis partie 3 ans en Angleterre, dans le milieu des chevaux de course. J'ai donc été jockey après avoir fait l'école de course. C'est une bonne leçon de vie. Voilà, et donc à votre avis, elle va présenter un numéro sur quoi, Thierry? Le cheval, oui. Sur le cheval, exactement. À Belgium Got Talent, je vais présenter un numéro de pole dance. C'est un numéro acrobatique, très agréable. Voilà. D'accord. Non mais c'était d'une logique implacable. Hein. Bon, sinon on a eu droit aussi à du rap, hein. Enfin si on peut appeler ça du rap. Je ne suis pas arrangeur et pas compositeur. Oh mon dieu, c'est Jean-Pascal. Je fais de la poterie. Rappeur, rappeur, je suis rappeur de fromage. Bonjour, rappeur de fromage. Veux-tu vraiment que l'on devienne des amis? Je vais t'aider car je suis pro, je suis dans le métier. Mais pour cela, il va. Bah, moi aussi, hein. Rappeur, voilà, je le fais aussi. Top, stop, stop, terminé. Bon, bah, je crois que. On a bien... Je crois qu'on a bien résumé l'émission, hein. Mickaël à la radio. Le replay. Tous les matins. Morning show. Réveillez-vous avec Mickaël. Bien dormi? Pour ça, il aurait fallu que tu ne ronfles pas toute la nuit. Mickaël à la radio. Tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Alors, on va y aller. Free Code Game, tu connais le principe? Plus ou moins, oui. Bon, je vais quand même le rappeler pour les nouveaux auditeurs également. On va jouer au coffret de Code Game. Il y a 4 séries de questions, 5 questions dans chaque série de questions. Tu choisis la série que tu veux. Donc, petit paquet, grand paquet, drôme ou mitraillette. Ça va des questions les plus faciles aux questions les plus compliquées et des cadeaux les plus petits. Comme par exemple, pour le petit paquet, c'est une compil Fun Radio. Pour le grand paquet, c'est des places de ciné. Le drôme, c'est un iPod. Ou alors la mitraillette, c'est une tablette. Nathalie, tu choisis quelle Tu choisis la mitraillette alors du coup? Oui. Tu es gourmand, Nathalie. Eh oui. Certainement trop gourmande. Le Free Code Game. Allez, c'est parti. Le Free Code Game maintenant. On y va. Première question. Il faut faire 3 sur 5 minimum. Hein, d'accord? Oui. Allez, on y va. C'est parti. À l'origine, de quelle couleur était la tenue du Père Noël? Rouge. Comment? Rousse? Rouge. Rouge. Ah là là là là là là. Non, elle était verte. Exactement. Eh oui, c'est grâce à Coca que c'est devenu rouge. De quel pays est originaire Ernesto Guevara? Dit le Che. Guevara, pardon, tant pour moi. Bonne question. Bon, compa, ou également appelé Guevara, si vous voulez. Tu ne vois pas? Afrique. Che Guevara, non? Ça ne dit rien? Afrique. Okay. Presque. Ouais. C'était l'Argentine. Bon, c'est le continent voisin. Oui, à chipoter côté, pour un détail. Côté. Question suivante. Que partagent Stendhal et Jeanne Masse? Oh. Ah oui, t'as choisi mitraillette, hein. Ouais, mais je t'avais dit, je mettais. Vous pouvez répéter? Oui, que partagent Stendhal et Jeanne Masse? Vite, c'est du tac au tac à la base, hein. Pas d'idée? Non, pas d'idée. Le rouge et noir. À 100 près, combien de vertèbres possède un python? Qu'est-ce que c'est? 50. 50. C'était 400. Et enfin, qui jouait Buffy dans Buffy contre les vampires? On ne voit pas non plus. Ah, mais heureusement, Audrey connaît. De quoi? Hein? Heureusement, on connaît la réponse. Hein, qui jouait Buffy dans Buffy contre les vampires? Elle a accouché la semaine dernière. C'est toi qui en as parlé? Ouais. Ouais. Garner, non, c'est pas un truc. Garner. Sarah. Sarah Parker. Oh, je sais pas. Oh là là, quelle est mauvaise. T'es pas mauvaise, tu es très mauvaise. Sarah Michel Guélard, ah bah voilà, la réponse. Bon, Nathalie, ouais, c'est pareil. Ouais. Bon, Nathalie, malheureusement, c'est perdu. Hein. Tu as dû le deviner. Hein, parce que 0 sur 5, oui. c'est tout de même compliqué. Hein. C'est parfait. Je réessayerai. Mais exactement, tu réessayes quand tu veux, il n'y a pas de problème. Ça marche ? Merci. Bon. Merci. Allez. Bonne journée à toi. Gros bisous, Nat. Salut, salut. Merci, gros bisous. Allez, ciao. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Je vais passer une nuit magnifique. Ouais, ouais, mais maintenant tu vas penser à partir, hein. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h, 9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes, mais dont tout le monde se fout. Ah non, pardon. L'UNESCO déplore la destruction de souks classés au patrimoine mondial de l'humanité à Alep, en Syrie. Suite à l'incendie qui a détruit des centaines d'échoppes dans ces souks au cours des violents combats pour le contrôle de la ville. Ouais, des sources provenant de là-bas nous racontent que dans les souks, c'est un véritable bordel. Sport, le joueur belge Steven Defour intéresse l'équipe anglaise d'Everton. Les spécialistes du football l'annoncent, Defour à Everton, ça va chauffer. Eh oui. Justin Bieber va peut-être arrêter la musique. Bieber n'aime pas sa musique, il ne se supporte plus. Le chanteur a interrompu l'interprétation du titre Out of Time pour vomir. On te comprend, Justin, on aurait fait pareil. C'est clair. Mode, la chanteuse de Gossip, Bette Ditto, va lancer sa propre marque de lingerie. Une marque que Bette voulait proche du groupe, elle l'appellera donc Grosse Lip. Et pour terminer, si vous aimez les cacaos instantanés, les monstrurations... Ouais, buvez un bol de Ragnagna. Oh. La grande classe, comme d'habitude, évidemment. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. L'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous. Vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. Vous vous débarrassez, donc un seul numéro, vous les envoyez sur le 0473 86 0013. Allez, on écoute maintenant le premier message, c'est parti. Ouais, salut. Bon bah écoute, y a pas de problème. Si tu veux venir me voir, tu viens me voir. Y a pas de souci, je m'occuperai bien de toi. T'inquiète pas, je m'occuperai de tout. Rassure-toi, je m'occuperai bien de toi. Voilà, salut. Le mec il est en chien, lui. Hein. Ouais, complètement. Ah, il est en chien de chez chien. Oh là là là là, alors il va tout récupérer. Hein. Deuxième message. Bonjour Natacha, c'est Philippe. Hein. Je t'appelle pour te dire bonjour. Voilà, c'est Philippe. Ah, bonjour. Et de me joindre sur mon téléphone comme tu le vois sur ton écran. Et à bientôt. Eh ben écoute, à bientôt alors. Hein, voilà. À bientôt. Ah, il avait une bonne voix de relou lui. Hein. Ça, de ce côté-là, je pense qu'il n'y a rien à dire. Hein. La bonne voix de relou, elle était là, il n'y a pas de souci. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio.